dans la vie, oui je nage à contre-courant. J'ai pris certains virages, mais mauvais tournant. La nostalgie peut faire du bien ou bien laisser des traces. Ça me traumatise quand je suis en chien ou bien que je me mets des races. Un flow rapide, tu le savais déjà, mais je parle pour ceux qui doutent. Pas de cocaïne, oui, pas besoin de ça pour mettre le feu aux poudres. Attristé par cette vie de mer, même si ma vie se construit. Attiré vers la lumière comme un papillon de nuit. Tous les matins, je mets le costume du mec vert dans sa peau. Non, je suis pas bien, oui, j'en peux plus, il faut que tu changes ça, gros. J'avais pas que je serais aussi bête devant mes petits soucis. J'en fais des tas dans une ivresse qui me fait croire que je l'oublie. C'est bien présent, oui, dans mes rêves, j'y pense, oui, toutes les nuits. Oui, tu le ressens. Oui, dans mes sèches, je me rappelle des souvenirs. Les images m'apparaissent quand je me balade dans le texte. Quand je suis sous Sky, que je suis def, even même pour rire. Mes textes, c'est comme un con. N'en faut plus que j'y pense. Ça, y'a pas de doute. Vu que sur la terre, y'a plein de moutons, j'avance à pas de doute. Insomniaque, trop de choses me tourmentent. J'parle de ma life, ce qui me dégoûte tant. Ouais, j'suis malade, regarde un tout blanc. Et dans la vie, oui, je nage à contre-courant. Insomniaque, trop de choses me tourmentent. J'parle de ma life, ce qui me dégoûte tant. Et à la base, j'avais toutes mes chances, mais j'ai pris certains virages et mauvais tournants. L'année 2012 s'achève, ouais je fais les comptes. J'ai perdu une femme, un grand-père. Ça a provoqué du mal, rien que je camperche. Je suis à côté de la plaque en ce moment même. Heureusement qu'il y a masse malade dans ces temps de blême. Parce que je peux te l'assurer d'un coup, j'aurais pété les plombs. Nourri, logé, blanchi, j'ai toujours eu de la chance. Le vice attire les maladies, maintenant je calcule l'attente. Malgré que la vie a ses soucis et ses fractures, j'avance. Comme la plupart de mes amis, j'ai du rap dur à vendre. Eh ouais fiston, y'a plein de choses qui me tourmentent. Comme réussir ou c'est trop tard, devenir sérieux, rester fêtard. Ce que je deviendrai plus tard, hein. C'est le genre de question que je me pose tout le temps. Eh ouais, je recherche sommeil en espérant pas faire de cauchemar. Chacun sa tech, moi c'est de la fraîche dans un gros soir. Insomniaque, trop de choses me tourmentent. J'parle de ma life, ce qui me dégoûte tant. Ouais, j'suis malade, regarde un tout blanc. Et dans la vie, oui, je nage à contre-courant. Insomniaque, trop de choses me tourmentent. J'parle de ma life, ce qui me dégoûte tant. Et à la base, j'avais toutes mes chances, mais j'ai pris certains virages et mauvais tournants.